j'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël de Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale. Et aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne fête de la musique si vous écoutez cette émission le 21 juin. Pour ceux qui l'écoutent le jeudi, ça marchera moins bien. Mais ceci dit, je suis sûr qu'il y aura plein de concerts encore ce week-end autour de chez vous. Donc surtout, profitez-en, allez voir plein de groupes. Remplissez-vous les oreilles de musique, ça fait toujours du bien. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire ce soir, se remplir les oreilles de musique avec le programme de Parole et Musique. Parole et Musique, c'est un festival qui a lieu tous les ans à Saint-Étienne. Donc, c'est un festival qui me tient à cœur parce que je suis originaire de Saint-Étienne. Et c'est un festival quand même qui permet de découvrir plein de groupes. Cette année, j'ai envoyé mon envoyé spécial, ça fait encore une répétition, mais c'est pas grave. Il s'appelle Jean, il est déjà venu dans Zik Actu et donc il a vu absolument tous les concerts, donc toute la semaine de concerts. Et il m'a fait un petit compte-rendu que je vous propose d'éplucher tout de suite ensemble. Alors c'était donc fin mai, donc ça fait presque un mois, et il a pu voir dans l'ordre d'apparition à l'écran, m'a-t-il dit, d'abord Radio Elvis, donc du rock français de mieux en mieux sur scène. C'est un groupe dont on a déjà parlé, je vais pas trop m'attarder dessus, je suis pas hyper fan, mais ça vaut quand même ses 2 étoiles, Jean a mis 2 étoiles, un petit système d'étoiles très sympathique de la part de Jean, donc merci beaucoup à toi Jean pour ce compte-rendu. Maintenant on passe au niveau supérieur, 3 étoiles avec Feu Chatterton. Il nous dit une présence sur scène du chanteur qui accroche et tient le spectateur en haleine. Donc Feu Chatterton, en effet, à mon avis, un groupe à voir sur scène. J'ai vu quelques images aussi, ça avait l'air très très bien. Feu Chatterton, c'est pareil, on en a déjà parlé. Donc on n'en reparlera pas tout de suite. Par contre, le groupe suivant s'appelle Sages comme des sauvages, avec 3 étoiles cette fois-ci aussi. Jean nous dit, un duo coloré et sur un répertoire exotique. Grosse influence réunionnaise. Donc c'est l'occasion de découvrir ça, c'est un groupe que je connais pas du tout et donc on fait confiance entièrement à Jean et on écoute le titre Les Jeunes des Villes de Sages comme des Sauvages. Ça, c'est bien rafraîchissant. Ça s'appelle « Sages comme des sauvages » et on remercie Jean donc, pour cette découverte qu'il a entendue au festival Parole et Musique. Donc ce soir, pour la fête de la musique, je rappelle, on va éplucher le programme de Parole et Musique après coup et voir ce qui a marqué un de nos fidèles auditeurs, Jean, qui est déjà venu donc, pour un ping-pong musical. On continue après « Sages comme des sauvages » qui est vraiment un groupe à suivre avec un grand groupe de live qui s'appelle Dionysos, dont j'ai déjà parlé plein de fois. J'ai même fait leur album en album du mois. Ça sera un plaisir d'en repasser. Jean a mis 4 étoiles avec la mention « Toujours aussi déjanté, un plaisir ». C'est vraiment, vraiment, vraiment un groupe à voir en concert, absolument. En plus, ils passent à Valence dans pas longtemps. Renseignez-vous, ils seront sûrement dans tous les festivals cet été. Il faut absolument voir Dionysos, c'est obligatoire. Bref, on ne s'attarde pas plus, j'en ai déjà beaucoup parlé. On continue avec Shake, Shake, Go. Un groupe moitié gallois, moitié français. Un groupe de rock, nous dit Jean, un très bon groupe de rock. Et on va écouter leur single. C'est un morceau qui est pas mal passé, mais qui est quand même très agréable, assez planant et plutôt bien écrit, très mélodique. On écoute England Skies de Shake, Shake, Go. Jean a mis 3 étoiles. Used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, C'était Shake Shake Go sur RDB, l'émission c'est toujours Zik Actu et on épluche toujours le programme de Parole et Musique. Donc Shake Shake Go, voilà, un bon groupe de pop folk, ça me fait un peu penser à London Grammar ou à Orchid Man, particulièrement London Grammar avec cette voix féminine. En tous les cas, c'est très très très chouette. Shake Shake Go, l'album All In Time est sorti il n'y a pas si longtemps, j'en avais pas beaucoup parlé. C'était en 2016 et voilà, un groupe à suivre, Shake Shake Go. On continue avec un... Alors, je mets entre parenthèses Jain, vous savez, J-A-I-N, qui était aux Victoires de la Musique cette année, donc on en avait un peu parlé. Seulement une étoile avec la mention décevante. Bon, on passe. Pas forcément à voir sur scène, l'album est plutôt cool par contre. On continue avec 3 minutes sur mer, que Jean décrit comme une super découverte avec 3 étoiles. 3 minutes sur mer, c'est un groupe que je suis depuis une bonne dizaine d'années, voire 15 ans. On les avait fait venir à Saint-Étienne dans le temps. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Mais on les a fait venir et on a joué avec eux dans des tout petits bars et c'était très très chouette, des gens très sympas. Donc un groupe de Paris que j'apprécie énormément et qui offre... un renouveau à la chanson française qui est vraiment très intéressant et qui est injustement méconnu. Ils ont sorti un album il y a quelques années, alors que ce soit précis, en 2014. Et là, ils reviennent avec des singles, 4 singles. Ça s'appelle Catapulte, donc c'est un EP. On va tout de suite écouter le titre Catapulte. C'est 3 minutes sur mer et c'est vraiment un groupe que j'adore. Dites-moi que je débloque, que tout n'est pas caduc, que les électrochocs ne toucheront pas ma nuque. Emmenez-moi loin d'Europe, loin, loin. À une autre altitude, là où tout s'affole, tout en haut, lancez-moi à l'aide d'une catapulte, s'il faut. Abductez-moi dans votre vaisseau, otage docile, j'aurai le syndrome de Stockholm facile. Sous votre embargo, oh, C'était 3 minutes sur mer, un super groupe, une découverte pour Jean et une redécouverte pour moi. On continue avec une autre découverte, ça s'appelle Nord. Donc l'artiste Nord vient de sortir un EP, donc un 6 titres, après avoir sorti un album en 2006. Alors est-ce que c'est bien le même Nord? À voir, à vérifier. On écoute tout de suite le titre « L'amour s'en va » de Nord. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour s'enfuit, l'amour s'en fout, l'amour s'assoit un peu sur tout et l'on se suit un peu partout. L'amour traîné dans la boue. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour sépare, l'amour répare, c'est pas simplement une partie de plaisir quand c'est fini, quand c'est parti. Des souvenirs ensevelis au fond d'un lit. L'amour écueille, l'amour écoeur, c'est du bonheur ou c'est un deuil. Là sur un banc, une cour d'école, du bout des doigts, l'amour ça colle, dis-moi pourquoi. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour à qui? L'amour à quoi? L'amour c'est comme une allergie qui reprend des fois. Et ça devient fou. L'amour c'est tout. L'amour c'est rien ou rien du tout, c'est tout ou rien. L'amour s'éteint à bout de souffle. Des sentiments, il y en a tant, il y en a trop, c'est dérangeant. Quand ça se répand du sirop, c'est écœurant, et c'est salaud, et c'est va-t'en. Va-t'en, va-t'en. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. C'était Nord, un artiste donc 3 étoiles pour Jean, notre envoyé spécial à Paroles et Musique. Et donc moi, personnellement, mon avis, c'est que c'est pas évident de mêler chansons et électro. Et là, c'est hyper bien fait, à mon goût. Et puis le texte, pardon, je vais y arriver, était très, très beau aussi, très bien écrit. À suivre, donc Nord, il faut écouter son EP, le 6 titres qui vient de sortir. On continue avec Benoît Dorémus. Jean met encore 3 étoiles et nous dit que c'est un super auteur-compositeur. Il m'en a parlé plusieurs fois. J'avoue que j'ai jamais vraiment écouté. Donc c'est l'occasion. Il y a un titre qui s'appelle Brassens en pleine poire qui m'attire bien. J'ai bien envie de double-cliquer dessus et en plus ça me fera le lien pour le chanteur d'après. Brassens en pleine poire de Benoît Dorémus, extrait de l'album En tachycardie, sorti en 2016. Ah, j'aurais dû en parler avant. C'était un dimanche de janvier, sauf qu'on était fin mars. Y avait de la neige à Paris, Et ça, c'est toujours beau avant que ça fonde. 10 cm sur les balcons, et ça tombait encore à gros flocons. Il y avait peu de monde et plus de bagnoles, que des braves gens sur leur guibole. Alors j'ai mis ma tête sous mon bonnet et je suis descendu voir ça de plus près. C'était bon de laisser mes empreintes avec mes petites pinces, pas bien profondes parce que je suis tout mince. J'ai patiné de ma porte de Vanves jusqu'au parc Georges Brassens. Putain de Georges, je pensais à elle. Est-ce qu'il y avait autant de neige dans le 17e? Est-ce que là-bas on batifole? Est-ce qu'elle m'aimait encore? Est-ce qu'elle était au Batignolles? Dans mes oreilles, Eminem en boucle comme tous les jours de doute. Marshall, vas-y, prête-moi ta haine. Ta détresse, c'est la mienne. Putain de Georges. Je soufflais ma buée dans les allées quand, à 20 mètres, j'ai aperçu la statue du maître illustre. Enfin son buste, avec sa moustache de marbre. Auprès de son arbre, des gamins faisaient une bataille et la neige collait bien. Je me suis dit, tu vas voir, je vais me faire le brassin sans pleine poire. Putain de Georges. Je pensais la voir du premier coup, tous mes hivers mis bout à bout. J'en ai lancé un bon paquet, mon neveu. Je l'imaginais taper des gants avec un petit rire amoureux. Elle est partie, ma boule de rage, dans le décor. J'y avais mis tout mon cœur, l'été d'avant, au même endroit. On s'était couché sur les fleurs. Les boules suivantes, pas tellement mieux. Je me suis dit, oh, je deviens bigleux. Brassens gueulait, olé, olé. Puis y'en a une qui l'a frôlé, alors il faisait le malin, mais moins. Les gosses rigolaient, elle en voulait plus, moi j'en voulais. Et avec ses yeux, s'il vous plaît. Putain de Georges. Crevant d'orgueil, j'ai canardé, zing, zong, en fermant un œil. Et sans tricher, sans m'approcher, donc digne face à l'échec. Est-ce qu'un peu, elle pensait à moi? Est-ce qu'heureuse, elle faisait avec? Putain de Georges, putain de Georges. Et puis, paf, le tir parfait, et le parc entier qui m'acclamait, l'apothéose. Ose me dire que tu m'aimes plus, ose. J'ai pris mes 15 secondes de gloire, puis j'avais froid, j'en ai eu marre. Pars, t'as tout gâché, toute notre histoire, et moi, je l'ai eu le Brassens, en pleine poire. Et bim, dans la tête à Brassens. Et cela nous amène donc à l'artiste suivant, Alexis Hachka, qui propose un spectacle de reprise de Georges Brassens. On écoute tout de suite Le Pornographe, donc, mais par Alexis Hachka. Attention, je connais, j'en ai croisé plein. Autrefois, quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas, mais... Aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus, mais... En me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché, je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler. les Grecs. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis, j'vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et j'promets faire mon marabout de les mettre tabous. Mais craignant si je n'en parle plus, finir à l'arme et du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. J'suis la pornstar du MP3, le chaudasson de la chanson. Ta femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a suraigu le feu au cul. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'es défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret à un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elles poussent au moins rue Blondelle dans un bordel. J'suis la pornstar du MP3, le chaudasson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. J'suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Voilà, c'était Alexis HK, et là encore, Jean a mis 3 étoiles pour, après avoir vu ce spectacle, donc, à Parole et Musique. C'est donc un spectacle de reprise décoiffante du papa Georges Brassens, nous disons, avec une mise en scène de François Morel. François Morel, rappelez-vous les déchiens. François Morel, qu'on entend aussi sur France Inter de temps en temps. Voilà, un homme de théâtre exceptionnel aussi. Donc c'était Alexis HK. On continue avec une petite inconnue qui s'appelle Camille Ardouin. Et le titre que je vais vous faire écouter tout de suite s'appelle « Si demain ». Je ne te dirai pas les mots doux et des promesses, car il reste dans l'ombre, comme de vieux requins, et tourne sans répit dans un coin de la tête, rappelant le passé et ayant toujours faim. La vie m'a abîmée à force de promesses, et je préfère m'enfuir que te dire à demain. Mais pour ce soir, tes yeux me donnent faim de caresses. Reste un peu si tu veux, parce que moi, je veux bien. Je me rappellerai ton sourire et tes mains. Et je n'aurai pas mal. Et je n'aurai pas peur. Et jamais la douceur que tu me donneras ne sera abîmée. Si demain tu t'en vas, promets-moi seulement de ne pas revenir, de m'aimer simplement pour un temps éphémère. Nous ne passerons pas nos vies à nous mentir, mais une seule nuit à nous être sincères. Il serait plus prudent de ne rien partager. Mais ta bouche, mais ton corps, mais tes yeux, mais ta peau me crient bien au contraire qu'on ne peut réparer les blessures de la vie que grâce à ces cadeaux. Et pour ceux qui me jugent, ils ont bien de la chance de pouvoir me juger du haut de leur bonheur. C'est qu'ils n'ont jamais eu à sentir le goût rance des promesses trop mûres qu'on vous met dans le cœur. J'ai moi aussi jugé d'autres filles légères. Je crois que simplement, cela me faisait peur. Et je ne savais rien des solitudes amères où l'on fait comme on peut pour un peu de douceur. Tu peux bien regarder mon sourire et mes mains, car tu n'auras pas mal et tu n'auras pas peur. Et jamais la douceur que l'on se donnera ne sera écorchée. Si demain tu t'en vas, promets-moi seulement de ne pas revenir, de ne pas vouloir plus que ce présent bonheur. Oui, te dire au revoir m'arrache le sourire, mais parfois les désirs sont moins forts que les peurs. Nous ne trouverons jamais nos baisers ordinaires, ne nous ferons pas mal en nous voulant du bien. N'auront pas d'aujourd'hui nostalgie que d'hier. N'attendront surtout pas un peu trop de demain. Je peux me rappeler ton sourire et tes mains. Et non, je n'ai pas mal. Et non, je n'ai pas peur. Et jamais ce qu'on s'est échangé cette nuit ne me sera volé, ne me sera repris, non. Jamais la douceur offerte cette nuit ne sera effacée, puisque tu es parti. C'était Camille Ardoin, et décidément, Georges Brassens plane toujours sur la chanson française. C'est une belle découverte aussi. Là, c'était vraiment une version live. J'ai trouvé ça sur YouTube et on la voit donc dans sa chambre avec une petite guitare qui sonne pas très juste, mais avec une voix qui est quand même très prenante. Alors Jean, qu'est-ce qu'il nous en a dit de Camille Ardoin ? Encore une belle découverte, voilà, dans la petite salle du Pax. 3 étoiles aussi. On passe sur Anis parce qu'il n'était pas très en forme a priori, sur Oxmo Puccino parce que je vous en ai déjà parlé beaucoup, même si ça a bien plu à Jean aussi. Il nous dit du bon rap avec la musique en plus et cerise sur le gâteau, de la poésie omniprésente. Oxmo Puccino, c'est vraiment un artiste exceptionnel, mais j'en parle très souvent parce qu'il fait souvent des featuring. Il participe souvent à d'autres morceaux. Donc voilà, Oxmo Puccino, j'en ai déjà beaucoup parlé. Un autre artiste maintenant qui a 4 étoiles, ça faisait donc depuis Dionysos qu'on n'avait pas eu 4 étoiles, c'est Pomme. Alors Pomme, il nous dit que c'est une super découverte aussi et qu'on va entendre parler d'elle. Parole de Jean, moi je veux bien le croire, mais d'abord il faut qu'on écoute pour juger sur pièce. On écoute donc Pomme avec Je suis pas dupe, extrait de son EP qui s'appelle En cavale et qui est sorti en 2016. Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges. Emmêlés comme des nœuds, et mon cœur, est-ce que t'y songes? Tu dis que la lune brille en bleu et que les mers sont asséchées. T'inventes tout ce que tu peux et je dois croire que tu veux m'aimer. Je suis pas dupe et même les fleurs de ma jupe s'envole haut. Quand tu craches tes mots. En effet, c'est très probable qu'on entende parler d'elle. C'est très très beau, c'est très bien arrangé. J'écouterai l'EP entier pour bien me faire un avis, mais c'était Pomme et Jean ne s'y est pas trompé. C'est une belle découverte. On continue avec une autre chanteuse que Jean a appréciée aussi, c'est Chloé Lacan. J'ai sélectionné le titre La pêche au bonheur du extrait de l'album Ménage à trois. Chloé Lacan. La pêche au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts. Ma petite, ma sœur, ma belle enfant gâtée, t'es là, tout emmêlée aux jupons de ta mère. À 20 ans, l'âge tendre, tes ailes sont collées. Ma petite, ma frangine, ma toute fracassée, tu voudrais prendre l'air, mais tu restes prostrée. Quel est le con qu'a dit que 20 ans c'est le pied. À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, petite, ma frangine, ma princesse fêlée, t'es là comme une poupée qui dépérit dans ses dentelles. La trouille en bandoulière, tout au bord de ce thé. Au chemin qui t'attire, tu hésites et tu trembles. Au nid qui te retient, te monte la nausée. Le temps est à se pendre et t'en crèves d'attendre. À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts. Whoa. petite sœur, que les fruits les plus longs de tes mains, petite sœur, que les fruits les plus longs de tes mains, petite sœur, que les fruits les plus longs de tes mains, petite sœur, que les fruits les plus longs de tes mains, petite sœur, que les fruits les plus longs de tes mains, petite sœur. Que les fruits les plus hauts. C'était Chloé Lacan, et en effet, c'est très très chouette. Vraiment un très beau titre. Donc, Chloé Lacan. On continue la programmation de Paroles et Musique vue par Jean avec Thomas Dutronc. Il m'a écrit Joker, donc on n'en parlera pas plus. C'est pas bon signe. Oh, par contre, là, 4 étoiles, Carpath. Carpath, c'est un groupe qui, a priori, est très important sur la scène française, la nouvelle scène française, chanson française. Personnellement, je suis passé complètement à côté. Donc, heureusement qu'il y a Jean pour me ramener sur le droit chemin et me faire découvrir ce groupe qui existe quand même, enfin, qui a sorti son premier album en 2002. Et je suis même pas sûr d'avoir déjà entendu un titre d'eux. Donc, ça sera l'occasion. En plus, ils ont sorti un album qui s'appelle Angora il y a tout juste 2 mois. Donc, j'ai manqué à tous mes devoirs et je suis passé à côté. Dans cet album, Jean nous conseille d'écouter Encombrant. Alors, on va écouter tout de suite ce titre-là, extrait de leur nouvel album. On écoute Carpath. On sort les encombrants, les rouillés, les machines, les grinçants. Une fois par semaine, on empile à la benne les usants. Les fracassés de la vie, les abîmés, les usés, les gênants. Les salis, les grippés, les fragiles, les encombrants. Les encombrants. Y'a une benne dans la rue où s'entassent à l'appel les divans égorgés, les machines qui peuvent plus ni laver le linge, ni faire le café. Y'a du ventre, d'une valise, une latte de sommier qui transperce le cuir comme une écharde plantée dans la main. On sort les encombrants, les rouillés, les machines, les grinçants. Une fois par semaine, on empile à la benne les usants. Les fracas et la vie, les abîmés, les usés, les gênants. Les salis, les grippés, les fragiles, les encombrants, les encombrants. S'empilent les produits aux dates dépassées pour les gens qui peuvent plus ni acheter la viande, ni faire le café. Y'a une file dans la rue de ces gens qui attendent pour pouvoir se servir. Comme on passe, ils baissent les yeux. On sort les encombrants, les rouillés, les machines, les grinçants. Une fois par semaine, on empile à la benne les usants. Les fracassés de la vie, les abîmés, les usés, les gênants. Les salis, les grippés, les fragiles, les encombrants. On sort les encombrants, les rouillés, les machines, les grinçants. Une fois par semaine, on empile à la benne les usants. Les fracas et la vie, les abîmes et les usés, les gênants. Les salis, les grippés, les fragiles, les encombrants. Les encombrants. Mmh. c'était Carpath avec Les Encombrants. Je suis pas hyper emballé, mais il faut reconnaître que le texte est très beau et je comprends complètement que ça puisse plaire à Jean comme à nos auditeurs. Aucun souci. C'était donc Carpath. On continue avec La Caravane Passe, un groupe que moi j'aime beaucoup. Jean a mis 2 étoiles en nous disant que c'est du rock des Balkans bien énervé. C'est un groupe que j'aime particulièrement quand ils sont avec Erwan dont je parle très souvent, le chanteur de Java, et ils font un groupe ensemble qui s'appelle Soviet Supreme. Ça, c'est un groupe que j'aimerais beaucoup voir sur scène. On continue avec Boulevard des Airs, qui a priori ne laisse pas un grand souvenir, 1 étoile. Bon. Et on revient au star avec Christian Olivier, qui lui a le droit à 4 étoiles avec sa tournée en solo. Christian Olivier, en fait, c'est le chanteur des Tetraed, pardon. Et il a sorti un album solo qui s'appelle On Off. On écoute tout de suite un extrait, ça s'appelle Laisser la place. Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y a plus l'espace, on laisse la place. Libre équilibre, des corps qui vibrent. De la tendresse, de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude. Dévisse les vis, les abysses propices. Amour complice des jardins de délices. Sur les indices de nos cicatrices. Où l'on se hisse, j'ai peur que ça glisse. Équilibre, les corps qui vibrent, de la tendresse, de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude. Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir, on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y'a plus l'espace, on laisse la place. La tendresse de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude. Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir, on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y'a plus l'espace, on laisse la place. Thank you. passe, de se voir on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y'a plus l'espace, on laisse la place. Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Y'a plus l'espace, on laisse la place. C'était donc Christian Olivier avec un extrait de son album solo. C'est le titre donc qui a laissé la place. Et Jean a mis 4 étoiles en disant super album solo, avec une petite parenthèse qui a son importance pour les fans des têtes raides. Malheureusement, je ne fais pas partie de cette catégorie et j'ai toujours du mal avec, avec les têtes raides. Et puis bah, sa voix, Christian Olivier, je ne sais pas. Enfin, je sais pas que j'aime pas sa voix, c'est que j'ai du mal avec la chanson réaliste en, en général. Mais je ne vais pas m'étendre sur mes goûts personnels. Vous vous êtes fait votre propre avis et c'est ce qui compte. On continue avec une dernière artiste qui a elle aussi mérité ses 4 étoiles. C'est la grande Sophie. Jean nous dit « Une rockeuse élégante dans tous les sens du terme mérite bien son qualificatif. » Et je ne l'ai pas vu en live, donc je ne peux pas juger sur le côté live. Par contre, je trouve que son dernier album est vraiment excellent. Et ses albums sont vraiment de mieux en mieux. Elle partait un peu de loin pour moi. J'avoue que ça me faisait un peu rien, ni chaud ni froid, la grande Sophie à la base. Et puis d'album en album, je me suis dit « Ah, ça devient intéressant ». Et là, c'était carrément super bien, le dernier album en date, qui s'appelait « Nos histoires ». Et en plus, c'est l'occasion de passer un titre de cet album en duo, que j'ai jamais passé, qui est sorti en mars, avec un chanteur que j'apprécie énormément. C'est le chanteur de Applause. Un groupe dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui a sorti 2 albums. Et donc, il va commencer une carrière solo. Il s'appelle Nicolas Lee. Et là, il est en duo donc, avec la grande Sophie pour le titre Les Portes Claquent. C'est un chanteur exceptionnel, un chanteur parisien. Et j'ai hâte d'entendre ce duo et de vous le passer. On écoute donc Les Portes Claquent avec la grande Sophie et Nicolas Lee, sélectionné donc par Jean 4 étoiles. Will you remember my hand caressing the milk of your skin? We'll be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, mes questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, que quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes genoux, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon on ne se reverra plus. Oui je sais, je m'attache au regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir. Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by, switch into the room where we find the lights. Your stand over my face, on your tongue, it's our taste. Just stand, time goes by. We look to the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here. Cause anyway, we never meet again. We'll never meet again. cette émission est déjà finie. C'est passé très très vite, j'espère pour vous aussi. J'espère surtout que vous avez découvert plein de nouveaux artistes grâce à Jean et grâce au programmateur de Paroles et Musique, donc le festival stéphanois dont nous avons fait le tour ce soir. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite surtout de bien continuer à écouter de la musique. Une bonne fête de la musique à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine.